bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour deux heures de rock progressif. Et nous aurons dans la programmation d'aujourd'hui Pier Paolo Bibo d'Italie, Ostalov d'Allemagne, Escaper des États-Unis, Crocodile des États-Unis, nous aurons Ossicles de Norvège, Sacred Lake, je pense que c'est de la Californie. Et en fin de bloc, en fin d'émission, nous aurons Lee Abraham d'Angleterre et Galahad, deux extraits de leur plus récent album sur lequel Lee Abraham, qu'on a parlé précédemment, ben, il agit à titre de guitariste. Alors, on débute ça avec Pier Paolo Bibo. Pier Paolo Bibo qui est dans le rock progressif, en fait, pas très, très connu ni impliqué. On peut calculer que c'est un électron libre puisqu'il a fait un album en 1980. Et il était un peu teinté de rock progressif. Et depuis 1980, ben, il y a eu une autre parution en 2012 qui n'a pas été très bien. En fait, c'est passé presque inaperçu. Et là, il revient en 2018 avec un album de 7 pièces qui totalise 45 minutes. Et on peut dire que sur cet album-là, ben, il agit à titre de multi-instrumentiste. Il fait tout sauf la batterie. La batterie qui est dédiée à Simone Spano, qui est pour moi un inconnu de la scène du rock progressif italien. Alors tout ça fait que nous avons une sorte de curiosité, si vous voulez. Alors moi, je calcule que cet album-là est à moitié pop et à moitié prog. Et les pièces qui sont teintées prog, alors je les ai extraites, il y en a 4, et je vous les propose tout de suite. Alors Pier Paolo Bibo. silenzio mentre scende la sera. Ora il tempo riprende a scorrere. Occhi immobili fra la polvere, senza vita, chiedono pietà. Grida un nome, l'uomo senza volto. Grida ma nessuno gli risponderà. Grida in bocca un miracolo. Ma oggi Cristo non si è fermato qua. Cala il gelo dell'inferno sopra le rovine, abbandonano le case e poi in silenzio passano in file senza fine. Rassegnati e stanchi loro occhi, thank you. c'era un sole tiepido sopra il mio destino. Mentre lento andavo a scuola e poi l'incoscienza dei 10 anni lungo il mio cammino. La guerra non era più un gioco, no. Thank you. oggi faccio l'inventario dei miei sogni. Li ho tenuti chiusi a lungo nel cassetto e non so più. Dopo tutti questi anni cosa si è salvato? Del ragazzo che è dovuto diventare uomo. Forse sento troppo addosso il peso dei miei anni. Forse ho visto troppe porte aperte chiudersi. E quel ragazzo che sognava ad occhi aperti, forse ha appeso al chiodo la sua fantasia. La verità è che ho smesso di sognare, di pensare che il mondo possa cambiare. Sia amico, ho quasi smesso di sognare. Lasciate i miei voli sulla fantasia. Io non ho sempre creduto in quello che facevo, ma quasi sempre ho fatto quello in cui credevo. Questo apparente sincretismo del mio vivere, la vita, senza futili ottimismi a cui non credo più. Purtroppo è vero, ho smesso di sognare, di vedere il futuro come un'autostrada. Sì, amico, ho proprio smesso di sognare. Lasciate il mio volo sulla fantasia. Alors, c'était Pier Paolo Bibo d'Italie avec quatre extraits tirés de son plus récent album Via Lattea. Alors, après la pause, Ostalove d'Allemagne, Escaper et Crocodile des États-Unis. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neuron avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au deuxième bloc de l'émission et on va débuter ça avec un groupe allemand, Ostalove. C'est un groupe qui a deux albums. Le premier est paru en 2013, ça s'appelait Good Morning Dystopia, puis ça a été suivi en 2015 de Isle of Dogs. Et depuis ce temps-là, ben, c'est le silence. Et puis moi, je souhaiterais quand même qu'ils aboutissent bientôt avec une nouvelle, une nouvelle parution, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant sur cette musique-là. Et je vous propose un extrait de The Isle of Dogs, leur plus récent album paru en 2015. Et c'est un extrait d'une chanson. Et la chanson, c'est Translucent Engineering. Et ça va être suivi de Escaper. Escaper, qui est une création du web. C'est un groupe des États-Unis qui ont trois mini-albums ou parutions digitales là, sur Bandcamp. Alors, moi, je vous propose un extrait de leur plus récent. Cet album-là s'intitule Edge Detection et la pièce c'est Galaxies. Et on a un tout nouveau groupe aussi qui nous vient des États-Unis. C'est le groupe Crocodile. Et je vous propose une pièce de l'album His Name is Stan and He's a Bad Mother FU22. Bon. Alors, on débute ça avec Ostalove. Left me and the car is long sold. Bygone the days when I was loved throughout the land. Best-selling author, my name a famous brand. Sky is where I used to go to let my mind fly high. Like rain, the words were pouring down and lined up neatly on my string of thought. I wove into the fabric of a dream. Again, I thought a while ago, I'll just sit down and watch the letters flow onto the paper to form the story of two retired clergymen united in their scorn. But after the first page, I can't carry on. Thank you. vision light? And do you recall the smell of the dark summer night? You were sitting right beside me with a dog, and I just kept on driving into the fog. of me. Stand as my name and perfection I plead. Alors, c'était Crocodile des États-Unis avec la pièce Dawn of Stan et c'est tiré de l'album His Name is Stan and He's a Bad Mother et je vous laisse deviner le reste. Et ça a été précédé de Escaper, un autre groupe américain, et la pièce Galaxies tirée de Edge Detection et on avait débuté ça avec Hostalove d'Allemagne et la pièce Translucent Engineering tirée de The Isle of Dogs. Ça, c'est paru en 2015. Après la pause, un autre groupe d'Allemagne, en fait non, je m'excuse, un groupe de Norvège, c'est Ossicles et Sacred Lake. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter ce nouveau bloc, j'aimerais rappeler aux auditeurs que la liste des pièces qui passent à l'émission est disponible sur Facebook, sur la page de l'émission Rock de Neurones. Alors, je vous invite à consulter ça. Et sur la même page Facebook, je vous donne l'accès aussi avec un hyperlien. Plus d'une centaine, en fait, c'est 113 ou 114 émissions archivées. 114 émissions de 2 heures avec du matériel qui ne se... on n'en a pas des doubles. Autrement dit, chaque émission est constituée de musique qui joue pour une seule fois. Et très rarement, c'est probablement à 2 à 3 % des pièces vont rejouer à un moment donné. Mais en général, le mac de commerce de l'émission, c'est de ne pas répéter les pièces. Alors, on débute avec Osicles, un groupe de Norvège qui ont fait un seul album en 2012, mais c'est un album qui a été beaucoup remarqué en passant par Steven Wilson, qui a même mentionné qu'il ne pouvait pas croire que de si jeunes musiciens pouvaient produire ce genre de musique-là. Et le groupe a été aussi remarqué par Mike Portnoy, qu'on connaît bien, puis il les a invités à une des croisières, probablement en Méditerranée, je ne sais pas. C'est habituellement ici, c'est la croisière Cruise to the Edge, mais là, il les avait invités à Progressive Nation at Sea. De toute façon, moi, ce que je vous propose, c'est un extrait d'une très longue pièce. Je l'ai coupée à 18 minutes, mais sachez qu'elle est beaucoup plus longue. Et après ça, on aura un nouveau groupe des États-Unis qui s'appelle Sacred Lake. C'est assez dynamique comme groupe. Vous allez vous en apercevoir. Alors, on débute ça avec Osicles de Norvège et on suit ça avec Sacred Lake. Thank you. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au dernier bloc de l'émission et on aura un bloc qui tourne autour du guitariste Lee Abraham. En fait, on aura un extrait de son plus récent album Colors qui est paru il y a quelques semaines. Et ça, ça se trouve à être son 7e album studio. Et un petit peu après, on a eu, probablement une semaine de cela, la nouveauté de Galahad. Galahad qui se trouve être le groupe sur lequel Lee Abraham joue de la guitare. Et pour Galahad, ben, on se trouve à... En fait, c'est le 12e album studio. Alors, deux extraits de Seas of Change. Et puis, la semaine prochaine, on aura, en première partie de l'émission, bien, ce sera l'album de la semaine, on aura Seas of Change, qui, en fait, contient aussi une chanson de 42 minutes. Alors, je vous en proposerai, la semaine prochaine, un extrait de 26 minutes. Alors, on débute ça avec Lee Abraham. Thank you. to matter, and nothing seems to change at all. The mirror falls and shatters, and still we just ignore. Seems to change at all. The mirror falls and shatters, and still we just ignore. cycle careers, life splattered on the green. A clearer picture emerges, no economic meltdown, marking Armageddon, appears to have been averted. Smoke. Oops, it seems politics is broke. All the levers have left, and the remainers are all in a tizz. What on earth is going on in the hallowed corridors of Westminster? We've never seen anything quite like this before. A massive melting pot of public passion boiling over into so much antipathy and open hostility. So much for tolerance, understanding and free speech. And all the while the powers that be are tearing themselves apart. All in all, not so smart as it seems that those who have the reins are making it up as they go along, improvising new tunes which don't quite scan. It seems the politics is broke. All the levers have left, and the remainers are all in a tizz. What on earth is going on in the hallowed corridors of Westminster? Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est Galahad, de groupe britannique, avec la pièce Smoke, précédée d'une autre pièce, Dust, et les deux sont extraites de Seas of Change, leur plus récent album qui est paru presque deux semaines maintenant. Et en début de bloc, mais nous avions Lee Abraham, le guitariste de Galahad, en solo, et la pièce de Mirror Falls, ça c'est extrait de son plus récent album Colors. Alors ça me fait la programmation musicale de cette 185e émission de Rock de Neuron. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et j'aimerais apporter votre attention aussi que l'émission est disponible sur Internet, sur SoundCloud. Aussi, avec la page Facebook de l'émission, vous avez accès à toute l'information concernant les pièces qui ont été diffusées durant l'émission. Et en plus d'avoir quelques hyperliens sur des sites intéressants, notamment les archives de l'émission et aussi sur quelques chroniques que j'ai réalisées avec la collaboration de Profil à Québec. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne semaine et c'est Jimmy Farley qui vous invite à vous joindre à nous pour une nouvelle émission de Rock de Neuron la semaine prochaine.